ruta, la que passa poca cuta, parada com un André Maestro en el Caloba Pielwix. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 23 octobre, nous souhaitons une bonne fête aux gens en l'honneur de Jean de Capistran. Ça vient de l'hébreu signifiant « Dieu fait grâce ». Jean est un homme ouvert, jovial, hospitalier, amical. Pardon, en général enthousiaste, voire exubérant, ce qui ne manque pas de le rendre sympathique. Il est brillant et en impose par sa forte personnalité, son intelligence fine et vive, ses facultés d'élocution et sa rapidité de compréhension et d'action. Quelque peu opportuniste, Jean a l'art de charmer et de séduire et se révèle très adaptable. Brillant en société, il apprécie d'être le centre d'attraction et a souvent tendance à l'exagération, soit pour amuser, soit pour impressionner son auditoire, monopolisant ainsi l'attention sur sa chère personne. Sensible à la flatterie, il est quelque peu narcissique et aime donner l'exemple. Cela peut se traduire par un raffinement vestimentaire ou par une belle assurance due en partie à la confiance qu'il a en lui-même et à la chance qui intervient souvent en sa faveur. Dicton du jour à la Saint-Jean d'automne repiqué avant soleil levé. Célébration internationale aujourd'hui au Mexique, c'est la fête des médecins et dans les événements qui se sont déroulés un 23 octobre, en 1958, c'était la première apparition des Schtroumpfs, pré-publiée dans le journal de Spirou. Et en 1985, c'était la fondation du RAID, unité d'élite de la police nationale française. Allez, nous allons tout de suite marquer une première pause musicale avec le chanteur de musique country, Dwight Yoakam, et son titre Guitars Cadillacs. Girl, you taught me how to hurt real bad and cry myself to sleep. Showed me how this town shattered dreams. Another lesson about a naive fool who came to Babylon. Found out that the pie don't taste so sweet. Guitars, Cadillacs, hillbilly music, lonely, lonely streets that I call home. Yeah, my guitars, Cadillacs, hillbilly music, the only thing that keeps me hanging on. Wasted lives, painted scars, all that's left of me. Oh, but thank you, girl, for teaching me brand new ways to be cruel. If I can find my mind now, I guess I'll just leave. And it's guitars, Cadillacs, hillbilly music, lonely, lonely streets that I call home. Yeah, my guitars, Cadillacs, hillbilly music, the only thing that keeps me hanging on. Mm-hmm. Dwight Yoakam sur RGM, un peu plus de 8h35. Il est temps pour nous de faire un point complet sur tous ceux qui sont nés un 23 octobre. 1928, naissance de Marthe Mercadier, comédienne française, vue au cinéma dans Le Bon Roi d'Agobert, à la télévision dans RIS Police Scientifique. On a pu la voir également dans les émissions télé Le Big Deal ou encore Crésus, où elle interprétait des personnages. Et c'est une comédienne qui joue dans de nombreuses pièces de théâtre. 1936, naissance de Philip Kaufman, réalisateur scénariste américain, réalisateur de la légende de Jesse James, l'invasion des profanateurs, l'étoffe des héros, l'insoutenable légèreté de l'être, scénariste du film Les Aventuriers de l'Arche Perdue, l'étoffe des héros, l'insoutenable légèreté de l'être, ou encore Indiana Jones et la dernière croisade. 1940, naissance d'Enson Arantes do Nascimento. Vous allez me dire, mais qui est-il? Eh bien, on le connaît, nous, sous le nom de Pelé, ancien footballeur brésilien, ayant fait sa carrière de 1956 à 1977. Il a évolué seulement dans deux clubs, de 1956 à 1974 au club de Santos FC et de 75 à 77 pour les Cosmos de New York, figure majeure du football, fréquemment présenté comme le meilleur joueur de l'histoire. Il est d'ailleurs le seul footballeur à avoir été champion du monde à trois reprises. C'était en 58, 62 et 70. Il compte également un palmarès exceptionnel avec les deux clubs professionnels dans lesquels il a évolué, dont la Coupe Intercontinentale en 62 et 63, la Copa Libertadores en 62 et 63, le championnat des États-Unis en 1977 et à 11 reprises le championnat de Sao Paulo dans les années 50 et 60, mais également plusieurs récompenses individuelles, bien sûr, comme le prix d'athlète du siècle par le CIO. Et à noter que depuis sa retraite sportive, il est l'ambassadeur pour l'ONU et l'UNESCO à l'éducation, l'écologie et l'environnement. Il continue bien évidemment à prêter son image à diverses entreprises et a d'ailleurs occupé le poste de ministre des Sports du Brésil entre 1995 et 1998. 1953, naissance d'Arielle Boulin-Pratt, professeure de lettres françaises, co-présentatrice du jeu télé des chiffres et des lettres. 1954, naissance de Ang Lee, réalisateur taïwanais, à qui l'on doit Raison et Sentiment, Tigre et Dragon, récompensé par l'Oscar du meilleur film étranger, Hulk, Le Secret de Brokeback Mountain, récompensé par l'Oscar du meilleur réalisateur, ou encore L'Odyssée de Pi, récompensé également par l'Oscar du meilleur réalisateur. 1956, naissance de Dwight Yoakam, un chanteur de musique country américain. 1959, naissance de Sam Raimi, réalisateur scénariste américain, à qui l'on doit Evil Dead 1, 2 et 3, Mort-Vif, Spider-Man 1, 2 et 3 ou encore Le Monde Fantastique d'Oz. 1973, naissance de Gaël Touya, escrimeur français récompensé aux Jeux Olympiques par une médaille d'or par équipe. C'était au JO à Athènes, en championnat du monde. Il continue une médaille d'or par équipe en 97 et une médaille d'argent par équipe également en 98. 1976, naissance de John Huertas, acteur américain, vu à la télé dans Cold Case, affaire classée, FBI porté disparu, Prison Break, NCIS enquête spéciale. On le connaît surtout pour son rôle de Javier Esposito dans la série Castle et depuis 2016, il incarne le rôle de Miguel dans la série à succès This Is Us. C'est également l'année de naissance de Ryan Reynolds, acteur canadien vu dans Espion mais pas trop, Blade Trinity dans le rôle d'Hannibal King, Just Friends, X-Men Origin Wolverine dans le rôle de Wade Wilson alias Deadpool et bien évidemment il a repris ce rôle dans les deux films Deadpool, le premier sorti en 2016, le deuxième plus récemment, vu également dans Green Lantern dans le rôle de Hal Jordan alias Green Lantern, sécurité rapprochée dans le rôle de Matt Weston, producteur de Deadpool et Deadpool 2 où il est également scénariste. 1986, naissance de Jessica Stroup, actrice américaine vue dans Ted dans le rôle de Tracy, la série télé Beverly Hills Nouvelle Génération dans le rôle d'Erin Silver et depuis 2017, elle joue dans la série Iron Fist dans le rôle de Joy Mikum. 1997, naissance d'Eli Okobo, basketteur français, professionnel depuis 2013. De 2013 à 2014, il a évolué à Bordeaux, de 2015 à 2018 à Pau Orthez. Et cette saison, eh bien, il est en NBA pour le club de Phoenix. En 1984, décédé Oscar Werner, acteur autrichien connu pour son rôle de Jim dans le film Jules et Jim de François Truffaut en 1962 aux côtés de Jeanne Moreau. Allez, on va tout de suite écouter Lady Gaga, Bradley Cooper sur le titre Shallow, extrait du film qui fait un véritable carton. Si vous n'avez pas été le voir, eh bien, allez-y. C'est une vraie pépite. A Star is Born. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Lady Gaga, Bradley Cooper, un titre, je vous le rappelle, extrait du film A Star is Born. Il est presque 8h45 et on fait un point météo. La météo. Alors, pour l'instant, le ciel peut être voilé par endroits. Il peut également y avoir du brouillard, mais pas de panique. Hein. Le soleil sera bel et bien parmi nous aujourd'hui. Des températures fraîches, hein. Elles sont comprises entre 3 et 4 degrés ce matin, entre 14 et 15 degrés pour cet après-midi. Pour mercredi, on devrait passer la journée sous les nuages. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 12 et 13 degrés l'après-midi. Jeudi, brume, soleil, des températures températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 14 et 15 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence avec le tennis et on va à Singapour avec le WTA Finals. Et Stephens s'est imposé hier en 3-7 face à Osaka, 7-5, 4-6, 6-1. Et Bertens s'est imposé en 3-7 face à Kerber, 1-6, 6-3, 6-4. Aujourd'hui, Wozniacki affrontera Kvitova et Svitolina sera opposée à Pliskova. À Bâle, Gilles Simon affrontera Maier. À Vienne, Tsonga affrontera Querrey. Herbert sera opposé à Verdasco et Lucas Pouille à Kochreiber. Et à noter que Richard Gasquet, qui est blessé à l'un de ses poignets, a dû déclarer forfait pour le tournoi de Vienne. Un mot de basket avec les résultats de NBA. Ce n'était pas une soirée pour nos tricolores. Seulement deux se sont imposés. Evan Fournier avec l'équipe d'Orlando s'est imposé face à Boston, l'équipe de Yabusele, 93 à 90. Aucun point pour Yabusele et 14 pour Evan Fournier. Et l'équipe de Washington de Miami avec une assistance seulement s'est imposée après prolongation 125 à 124 face à Portland. L'équipe de Charlotte de Nicolas Batum à 13 points et Tony Parker à 6 points s'est inclinée face à Toronto 127 à 106. L'équipe de New York de Tilikina à 5 points s'est inclinée face au Milwaukee 124 à 113. L'Utah Jazz de Rudy Gobert à 11 points s'est inclinée 84 à 92 face à l'équipe de Memphis. Et enfin l'équipe de Phoenix de Okobo qui n'a pas joué s'est incliné face aux Golden State Warriors 123 à 103. Un mot de football avec la Ligue des Champions. Ce soir, Lyon se déplace à Hoffenheim. Le Real Madrid reçoit le club de Victoria Plzeň et Manchester United affronte la Juventus de Turin. Il y aura des duels français puisqu'il y a des Français dans ces deux clubs. Et on va parler des Bleus à l'international et on va prendre des nouvelles de Laurent Koscielny, blessé grièvement depuis le mois de mai dernier. Eh bien, bonne nouvelle, il a repris l'entraînement collectif avec Arsenal. Et on termine avec du hockey sur glace en Coupe de France. Épinal reçoit ce soir le club de Ligue Magnus de Strasbourg. On va retrouver le fameux derby de l'Est. C'est à 20h15 à la patinoire de Poissompré. Mais les choses ont changé. Strasbourg évolue toujours en Ligue Magnus, tandis que Épinal évolue en Détroit et il y a un gouffre entre ces différentes catégories. Bien sûr, les supporters vont croire en une victoire du club spinalien, mais ça va être très, très compliqué. Mais bon, pourquoi pas dans l'antre de Poissompré, une victoire miracle du petit Pousset. Mais bon, c'est très compliqué de s'imposer contre les clubs de Ligue Magnus quand on évolue en Détroit. Mais bon, pourquoi pas, on y croit. On est tous avec le HC, bien évidemment. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Eddy Depreto et le titre « Kid ». Mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, point de toi ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige